بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإننا قد وصلنا في هذا الكتاب كتاب الصيام إلى الحديث الخامس. Certes, nous sommes parvenus dans ce chapitre, le chapitre du jeûne, nous sommes parvenus au cinquième hadith. An Aïchata radiallahu an Aïchata wa Ummi Salama radiallahu anhuma anna Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kana yudrikuhu al-fajru wa huwa junub wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasilu wa yasum. Selon Aïcha et Ummi Salama, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se retrouvait à l'aube en état de janabah. Se trouvait à l'aube, al-fajr, en état de janabah. On a déjà expliqué pour ceux qui donc, ont assisté au cours sur la purification que l'état de ce qu'on appelle el-janaba, c'est un état dans lequel se trouve l'être humain, homme ou femme, après avoir accompli un rapport ou alors après éjaculation. Et donc c'est un état d'impureté majeure dans lequel l'individu va être jusqu'à ce qu'il fasse le roussel, jusqu'à ce qu'il prenne la douche. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvait à l'aube en état de janaba par une cause venant de sa famille. Puis il faisait le roussel, donc faisait la douche et jeûnait. Puis il faisait le rousse, la douche, et jeûnait. Le hadith a été rapporté dans Sahihayn par Al-Bukhari et Muslim. Fakawlu Aisha min ahlihi. Qalatil ulama, inna Aishata wa ummi salama. Ou inna Aishata radiallahu anha aradat fi dhalika an tushir. إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن جنبا من احتلام بل جاء في بعض الرواية من غير حلم. Et donc la parole de Aïcha et Ummi Salama, lorsqu'elles ont dit par une cause venant de sa famille, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était donc en état d'impureté majeure, en état de janaba, par une cause venant de sa famille. Les savants disent que Aïcha et Ummi Salama, radiallahu anhumah, elles ont cité cela pour montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas en état de janaba à cause d'un rêve sexuel. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas dans cet état à cause d'un rêve sexuel, mais il a été cité dans certaines narrations de façon claire qu'elles ont dit min ghayri hulum, sans que cela soit lié à un rêve sexuel. Fastadalla bihi ba'd al-ulama ala anna al-anbiya la yahtalimun. Et donc certains savants se sont appuyés de ce hadith, se sont basés sur ce hadith pour dire, donc ce récit prophétique, pour dire que les prophètes ne sont pas touchés par les rêves sexuels. قَالُوا لِأَنَّ الْإِحْتِلَامِ يَكُونُ مِنْ تَلَاعُبِ الشَّيْطَانِ وَالنَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْصُومٌ مِنْ تَلَاعُبِهِ. Et donc ils disent, ces savants-là, ils disent que le rêve sexuel vient, il provient des fourberies du diable. Et certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est préservé du diable ainsi que de ses fourberies. Wa qala akharun laysa hunaka dalil ala anna al-ihtilama min tala'ubi shaytan. Et d'autres savants, ils ont dit que il n'y a pas de preuve qui montre que le rêve sexuel vient des fourberies du diable. Et donc ils disent qu'il n'y a pas de preuve qui montre que les rêves sexuels viennent des fourberies du diable. Donc voilà par rapport à cette divergence qu'il y a entre les ulema sur ce sujet. Mais dans tous les cas, il est sûr que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est préservé du diable et préservé de ses fourberies. Allah tabaraka wa ta'ala l'a protégé de cela. Amma man adrakahu al-fajr wa huwa junub. فجمهور الصحابة والتابعين على صحة من هذا هو حاله. En ce qui concerne celui qui se retrouve en état de janaba à l'aube, et certes, on a déjà vu donc au début que le jeûne, c'est le fait de s'abstenir de manger et de boire et de toute autre chose qui va rompre le jeûne, comme le fait d'avoir un rapport. Et donc, et cela, donc le fait de s'abstenir de l'aube du Fajr jusqu'au coucher du soleil. Et donc, en ce qui concerne le cas de celui qui se trouve à l'aube en état de janaba, alors la majorité des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les tabi'in, ceux qui sont venus, la génération qui vient après les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils voyaient que le jeûne de cet individu, le jeûne de la personne qui est dans ce cas-là, est valable. La personne s'est levée en état, la personne s'est trouvée donc à l'aube en état d'impureté majeure, en état de janaba, son jeûne est valable, il jeûne. وَاسْتَدَلُّ بِالْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفِ. Et donc ils se sont basés sur ce hadith, le hadith que l'auteur cite ici dans ce livre que nous lisons. وَاَيْدَمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى. Ils sont aussi basés sur la parole d'Allah, le Très-Haut. أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ. الرَّفَث, ce qui est voulu par الرَّفَث. Les savants, ils disent tout ce que l'homme peut désirer de licite avec son épouse. Tout ce que l'homme peut désirer de licite avec son épouse. Et donc la signification du verset, il vous est autorisé durant la nuit du jeûne, de faire tout ce que l'homme peut désirer de licite avec vos femmes. Il vous est autorisé pendant la nuit du jeûne de faire tout ce que l'homme peut désirer de licite avec vos femmes. Qalu inna Allah ta'ala abah al-jima'a fil layl kullihi dun istithna. وكون المرء يجامع زوجته في آخر جزء من الليل يقتضي كونه يصبح جنوبا فيغتسل بعد دخول الفجر. Et donc, les savants, ils ont dit donc, ces savants-là, ils disent que Allah, le Très-Haut, il a légiféré, autorisé le fait d'avoir des rapports pendant la nuit. Sans exception d'une partie de la nuit, donc pendant toute la nuit, jusqu'à l'aube. Et le fait que l'individu va avoir un rapport avec son épouse au dernier moment de la nuit, cela va forcément impliquer qu'il se trouvera en état de janaba à l'aube. Et qu'il va se laver, qu'il va faire le ghusl après le début de l'aube, après l'entrée de l'aube. Et donc ça, c'est pour le premier avis. وَجَاءَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنَّ الْمَرْءَ إِنْ أَصْبَحَ جُنُوبًا فَلَا يَصُومُ. Et deuxième avis, certes, il a été rapporté de Abi Huraira radiallahu anhu, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que l'individu qui se trouve à l'aube en état de janaba, alors celui-ci ne jeûne pas. Bel ja'a fi sunan al-kubra lin-nisa'i. An Abi Hurayra radiyallahu anhu annahu qala La wa rabbi hadha albayt ma ana kultu man adrakahu as-subh wa huwa junub fala yasum Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa rabbi al-ka'bati qalahu. Mais encore plus que la parole de Abi Huraira, il a été rapporté dans le recueil de An-Nasa'i As-Sunan al-Kubra, selon Abi Huraira radiallahu anhu toujours, qui dit « Non, par le Seigneur de cette maison. » Ce qui est voulu par là, c'est Al-Ka'ba. Al-Ka'ba à la Mecque. « Par le Seigneur de cette maison. » « Je n'ai pas dit, ce n'est pas moi qui ai dit que celui qui se trouve en état de Janaba à l'aube alors qu'il ne jeûne pas. » Ce n'est pas moi qui ai dit cela. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par le Seigneur de la Kaaba, c'est lui qui l'a dit. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par le Seigneur de la Kaaba, c'est lui qui l'a dit. Et donc il a juré par Allah concernant cela. إذن كان أبو هريرة رضي الله عنه يستدل بهذا الحديث على أن من أصبح جنبا فلا يصوم. Et donc Abu Huraira radiallahu anhu, il s'appuyait sur ce hadith pour dire que celui qui se trouve en état de Janaba à l'aube, il ne jeûne pas. Il ne jeûne pas. لكنه تراجع بعد ذلك. Cependant, Abu Huraira, il est revenu sur cet avis par la suite. Abu Huraira, par la suite, il est revenu sur cet avis. Donc, il a changé d'avis par la suite. أخرج مسلمون في صحيحه عن أبي بكر قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقص ويقول في قصصه من أدركه الفجر جنبا فلا يصوم فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث فأنكر ذلك. Et donc, l'imam Muslim, il a cité dans son recueil As-Sahih, selon Abi Bakr, ici Abu Bakr, ce n'est pas le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est Abu Bakr ibn Abdirrahman ibn al-Harith. Et donc, Abu Bakr, qui fait partie des Fuqaha As-Sab'ah, qui fait partie donc des sept grands savants du fiqh à Médine pendant l'époque des Tabi'in. Et donc, Abu Bakr, il dit qu'il a entendu Abu Huraira radiallahu anhu donc dire celui qui se trouve à l'aube en état de Janaba alors qu'il ne jeûne pas. Celui qui se trouve à l'aube en état de Janaba alors qu'il ne jeûne pas. Abu Bakr, il dit alors j'ai cité cela à Abdurrahman ibn al-Harith, c'est-à-dire son père. Il a cité cela, il allait rapporter cela à son père. فَأَنْكَرَهُ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ. Alors son père a rejeté cela. Abdurrahman ibn al-Harith a rejeté cette parole de Abu Huraira. فَانْتَلَقَ Abdurrahman وَانْتَلَقْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَىٰ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلَهُمَا Abdurrahman عَنْ ذَلِكَ قَالَ فكلتاهما قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. Et donc il continue en disant Abu Bakr ibn Abdurrahman, il dit alors Abdurrahman est parti et je suis parti avec lui voir Aïcha et Ummi Salama, les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il les a interrogées toutes les deux. Donc Abdurrahman les a interrogées toutes les deux. Et toutes deux ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvait à l'aube en état d'impureté majeure, en état de janaba, à cause d'une cause qui était autre que le rêve sexuel, puis il jeûnait. Puis il jeûnait. Regardez ici donc le fait que il soit allé voir Aïcha et Umm Salama. Parce qu'elles sont plus savantes que Abu Huraira, radiallahu anhu, concernant ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait d'intime avec ses épouses. Ses épouses connaissent mieux le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la maison que les autres, puisque c'est elles qui vivaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et encore une fois, je le cite comme j'ai déjà cité plusieurs fois, il n'y a pas de mal à dire qu'un savant est plus connaisseur qu'un autre dans un domaine spécifique. Il n'y a pas de mal, ce n'est pas une critique envers un savant de dire ça, ce n'est pas une critique envers Abu Huraira de dire que Aïcha, radiallahu anha, ainsi que Umm Salama, radiallahu anhuma, connaissent mieux le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses épouses que Abu Huraira. Ce n'est pas une critique de dire cela. Et donc dans la même chose concernant tous les domaines, il faut faire attention à cela, ce n'est pas un mal de dire cela. Et on le verra par la suite. On le verra par la suite dans ce même hadith. قال فانطلقنا حتى دخلنا على مروان. Et donc il dit donc nous sommes partis après avoir entendu cette parole de Aïcha et de Umm Salama, nous sommes partis jusqu'à aller voir Marwan. Marwan, c'était donc celui qui était le détenteur d'autorité à Médine, dans la ville de Médine, dans la région de Médine, à l'époque de Muawiyah, à l'époque où c'était Muawiyah qui était le gouverneur des musulmans. Fa dhakara dhalika lahu Abdurrahman, fa qala Marwan, azimtu alayk illa ma dhahabta ila Abi Huraira faradadta alayhi ma yaqul. Et donc ils sont allés voir Marwan et Abdurrahman a cité cela à Marwan. Il a cité donc ce qui s'est passé à Marwan. Alors Marwan, il lui a dit, je ne t'ordonne que du fait que tu ailles aller voir Abi Huraira et que tu le fasses délaisser ce qu'il dit. Et que tu le fasses délaisser ce qu'il dit. قال فجئنا أبا هريرة وأبو بكر حاضر ذلك كله. Alors il dit, nous sommes donc allés voir Abu Huraira et Abu Bakr ibn Abd al-Rahman a assisté à tout cela. قال فذكر له عبد الرحمن فقال أبو هريرة أهما قالتاه لك. Et donc Abdurrahman a cité cela à Abu Huraira. Il a raconté ce qui s'est passé à Abu Huraira. Abu Huraira a répondu en disant, est-ce que toutes deux elles t'ont dit cela? Est-ce que toutes deux elles t'ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se trouvait en état de janaba à l'aube puis qu'il jeûnait? Abdurrahman a répondu en disant, na'am, qala huma a'lam. ثم رد أبو هريرة رضي الله عنه ما كان يقول في ذلك إلى الفضل ابن العباس فقال أبو هريرة سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قال فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك. Et donc Abu Huraira, après avoir entendu cela, il a dit, alors elles connaissent mieux, هما أعلم. Est-ce que c'est une critique de dire qu'elles connaissent mieux ce sujet qu'Abu Huraira? Non, Abu Huraira lui-même, il le dit ici, radiallahu anhu. Lui-même, il le dit. Et ensuite, il dit, et donc Abu Huraira a attribué cette parole qu'il disait à Al-Fadl ibn al-Abbas. Abu Huraira a alors dit, cela, je l'ai entendu de El-Fadl et je ne l'ai pas entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis, Abu Huraira est revenu de ce qu'il disait. Donc, c'est-à-dire qu'il a délaissé ce qu'il disait en cela. Et vous voyez donc ici le comportement des ulama, des gens de science, qui aiment la sunna, qui aiment s'accrocher à la vérité. Le fait que lorsqu'on lui montre son erreur, il revient sans orgueil. Sans orgueil. Lorsqu'on lui montre que ce qu'il a dit est faux, n'est pas correct, il revient sans orgueil. Même si on sait que à cette époque, c'est difficile de trouver des gens, quand on leur montre leurs erreurs, de revenir, d'admettre et de dire « c'est vrai, je me suis trompé, je n'aurais pas dû dire cela ». لذلك قالت العلماء إن في أول الإسلام من أصبح جنبا ولم يكن له أن يصوم لا من أصبح جنبا فلم يكن له أن يصوم ثم نسخ ولم يبلغ أبا هريرة رضي الله عنه النسخ فكان يفتي بما علم. Et c'est pour cela que les savants, ils ont dit que au début de l'islam, au début de l'islam, celui qui se trouvait à l'aube en état de jeûne, il ne pouvait pas jeûner. Puis cela a été abrogé. Et Abu Hurayra radhiyallahu anhu, l'abrogation ne lui a pas été parvenue, ne lui est pas parvenue. L'abrogation ne lui est pas parvenue. Il émettait des fatwas en fonction de ce qu'il savait. ولما بلغه قول عائشة وأم سلمة وَهُمَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْهُ تَرَكَ مَكَانَ عَلَيْهِ. Et donc, lorsqu'il a su la parole de Aïcha et de Umm Salama, et que toutes deux sont plus savantes que lui dans ce sujet, il a donc délaissé ce qu'il disait. فَقَالَتِ الْعُلَمَا إِنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ إِخْتَلَفُوا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ثُمَّ أَجْمَعُوا. Et donc, les savants, ils ont dit que les gens de science ont divergé sur ce sujet, puis ils ont été unanimes après la divergence. Et donc ils sont unanimes, les gens de science sont unanimes sur la validité du jeûne de celui qui se trouve à l'aube en état de janaba. Wa akhiran qariban min hadha مسألة الحائض إذا طهرت ولم تغتسل حتى دخل عليها الفجر هل تصوم أو لا. Et enfin, pour finir, un sujet qui est proche de celui-ci, le sujet de la femme menstruée, la femme qui a ses menstrues, que ses menstrues s'arrêtent pendant la nuit, ses menstrues s'arrêtent, mais elle ne s'est pas lavée, elle ne s'est pas donc purifiée jusqu'à ce que vienne l'aube. Est-ce que cette femme, elle va jeûner ou pas ? أكثر أهل العلم على أنها تصوم وأن حالها حال الجنوب الذي لم يغتسل وهذا هو الصواب. La grande majorité des savants, ils voient que cette femme, elle jeûne et que son cas est le même cas que celui qui est en état de janaba, qui ne s'est pas encore lavé. Elle a ses menstrues qui se sont arrêtées. Elle n'a plus ses menstrues, mais elle ne s'est pas encore lavé. Et donc son cas est le même que celui qui est en état de janaba, mais qui ne s'est pas encore lavé. Et donc elle va jeûner, tout comme lui, et cet avis est l'avis le plus juste. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. On va arrêter là pour aujourd'hui et on continue. Donc concernant le fiqh, excusez-moi, Umdat al-Ahkam, concernant le chapitre du jeûne, on continue donc la semaine prochaine à partir de mardi, Inch'Allahu ta'ala. Et en attendant, nous avons demain, vendredi et samedi, nous avons deux cours sur le tafsir, l'exégèse du Coran, Inch'Allahu ta'ala, à la même heure. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous accorde la réussite. Il est certes capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك